Le lendemain, la reine-mère a reçu les premiers gages de la faveur du roi. Le maréchal de Marillac, son protégé, est nommé au commandement de l'armée d'Italie. Le chancelier de Marillac, le successeur que Marie de Médicis veut donner à Richelieu, reçoit lui seul l'ordre de suivre à Versailles le roi qui s'y rend. La foule des courtisans se porte au Luxembourg. Mais le soir, on apprend que le cardinal a ressaisi son influence sur Louis XIII. Et les courtisans abandonnent le Luxembourg pour le Louvre. C'est la fameuse journée des dupes. Tout à sa vengeance, la reine-mère intrigue même avec l'ambassadeur d'Espagne. Exilée à Moulins, elle se réfugie dans les Pays-Bas. Elle y est rejointe par son fils préféré, Gaston d'Orléans, bien digne d'elle, par l'esprit d'intrigue, de révolte, mais bien plus coupable qu'elle. Malgré ses graves défauts, Marie de Médicis n'eut pas du moins, comme Gaston, la lâcheté de livrer ses amis à Richelieu. Mise en demeure de le faire, elle ne voulut pas acheter à ce prix la cessation de son exil. Elle eut d'ailleurs des amis qui répondirent à sa fidélité par un dévouement qu'ils payèrent de leur existence, le maréchal de Marillac, le duc de Montmorency. Richelieu, qui faisait remonter jusqu'à l'exilé la responsabilité des complots ourdis contre sa vie, Richelieu fut inflexible pour elle. Une humble démarche qu'elle fit auprès du roi, et même auprès du ministre, pour rentrer en France, ne fut pas plus accueillie que les interventions diplomatiques qu'elle mit en mouvement. Elle mourut dans l'exil, dans la pauvreté. Mais à ce moment suprême, elle voyait de plus haut les choses de ce monde. Ce n'est plus une ambitieuse qui s'agite dans les intrigues politiques. C'est, dans les passions mesquines qui ont troublé la France, c'est une femme chrétienne qui meurt dans d'humbles sentiments et qui pardonne à Richelieu même. Pendant la vie de Louis XIII, Anne d'Autriche a été, comme sa belle-mère, associée à plus d'un complot tramé contre Richelieu. Elle a même trahi la France pour renverser le cardinal. Et cependant, lorsqu'après la mort de Louis XIII, elle est devenue régente, elle s'arrête, dit-on, devant le beau portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne, et prononce ces paroles « Si cet homme vivait, il serait aujourd'hui plus puissant que jamais ». Et lorsque les anciens amis d'Anne d'Autriche, ceux qui ont souffert pour elle la prison, l'exil, reviennent et croient triompher avec elle, la régente les écarte, et c'est au continuateur de Richelieu qu'elle accorde sa confiance. Est-ce seulement parce qu'en prenant le pouvoir, la reine a compris que de graves responsabilités s'imposaient à elle, et qu'elle se devait avant tout, sinon à cette France qu'elle avait trahie, au moins à ce jeune roi, à ce fils bien-aimé, dont il lui fallait conserver l'héritage? Je crois que l'amour maternel put avoir cette influence sur Anne d'Autriche, mais je crois aussi que si Mazarin n'avait pas été là pour la guider avec toute la puissance que donne une affection partagée, Anne d'Autriche aurait été exposée à n'avoir d'autre histoire que celle d'une Marie de Médicis. Tout en reconnaissant que pour la gloire de la France, Anne d'Autriche fit sagement de suivre les inspirations de Mazarin, il est permis de regretter la dureté avec laquelle elle sacrifia à ce ministre quelques-uns des amis qui s'étaient dévoués à elle dans sa disgrâce. Il est vrai que pour dédommager plusieurs d'entre eux des emplois qu'elle leur refusait, elle leur prodigua des largesses dont le trésor faisait malheureusement les frais. On pourrait encore dire, pour atténuer l'ingratitude de la régente, que la haine persévérante que ses anciens amis gardaient à Mazarin ne pouvait qu'irriter sa royale amie. Mais le manque de reconnaissance n'était pas pour Anne d'Autriche un défaut de fraîche date. À moins qu'une grande passion n'occupât son cœur, l'égoïsme y dominait facilement. À l'époque où elle était persécutée, elle ne recula pas plus pour se sauver d'elle-même devant l'abandon de ceux qui exposaient leur vie pour la défendre, qu'elle ne recula devant le sacrilège en faisant un faux serment sur l'Eucharistie. Il y avait dans son caractère un bizarre mélange de grandeur et de bassesse, d'ingratitude et de dévouement. Mazarin ne connut que ce dévouement qui ne cessa de s'élever à la hauteur de l'épreuve. La reine lui en donna un premier témoignage quand il vit son existence menacée par le complot de Beaufort. Ce fut à ce moment que la régente se déclara pour son ministre en danger. En s'associant à la sage politique de Mazarin, Anne d'Autriche contribua puissamment à la grandeur de notre pays. La France, dit M. Cousin, ne compte pas dans son histoire d'années plus glorieuses que les premières années de la régence d'Anne d'Autriche et du gouvernement de Mazarin. Tranquille au-dedans par la défaite du parti des importants, triomphante sur tous les champs de bataille, de 1643 à 1648, depuis la victoire de Rocroi jusqu'à celle de Lens, liées entre elles par tant d'autres victoires et couronnées par le traité de Westphalie. Comment rappeler aujourd'hui sans une profonde tristesse que c'est à la régence d'Anne d'Autriche que nous devons le traité qui donna l'Alsace à la France. À ces belles et radieuses années de la régence succèdent des temps de troubles. Après les généreuses émotions de la guerre extérieure, voici les intrigues et les luttes civiles de la Fronde. Au début de la guerre civile, la figure d'Anne d'Autriche prend un relief extraordinaire. Dans ses qualités comme dans ses défauts, apparaît une énergique personnalité. La vivacité du sentiment, toujours quelque peu compromettante pour l'administration politique des femmes, peut, aux heures de crise où les mesures ordinaires ne suffisent pas, leur inspirer les fières attitudes, les résolutions héroïques qui les font triompher dans la lutte. Ce n'est pas à l'art de la politique qu'est due cette gloire, c'est à l'inspiration du cœur. Et c'est pourquoi les femmes apparaissent généralement si grandes dans les périls publics ou privés. Anne d'Autriche eut dans la Fronde une âme vraiment royale. Cette princesse, naguère si humble et si humiliée devant Richelieu, est maintenant une vraie fille des rois d'Espagne, bien digne de ses grands aïeux. C'est une reine à qui le sang de Charles Quint donne de la hauteur, et qui, suivant l'expression de Mazarin, est vaillante comme un soldat qui ne connaît pas le danger. Toutefois, dans cette généreuse attitude même, elle se laisse emporter par la passion au-delà de la mesure. Et si l'on a pu dire qu'elle seule montra alors de la noblesse et du courage, on doit ajouter que ses emportements irritèrent la révolte. Profondément imbue du principe du pouvoir absolu, Anne d'Autriche ne souffre pas que dans des questions de finances, qui, à vrai dire, ne regardent pas le Parlement. L'autorité royale soit limitée et contrôlée par des gens de robe, cette canaille a-t-elle dit avec cette violence de langage que nous retrouverons plus d'une fois sur ses lèvres. L'orgueil de la reine paraît l'emporter, jusque sur l'amitié qu'elle a vouée à Mazarin. Elle semble rebelle au conseil du prudent ministre, et va même jusqu'à flétrir du nom de lâcheté cet esprit de conciliation. Mais ne nous y méprenons pas. N'est-ce pas la discrète Madame de Motteville qui nous dit que le cardinal encourageait secrètement l'ardeur de la reine pour mieux faire ressortir sa propre modération? Ici encore, Anne d'Autriche était d'intelligence avec lui. C'était pour lui qu'elle s'exposait. Si l'allégation de Madame de Motteville est vraie, il faut convenir que les sentiments de Mazarin ne répondaient guère en cette circonstance à la générosité de la reine, et que la fable de Bertrand et Raton eut ici une application anticipée, qui faisait plus l'honneur à la princesse qu'à son ministre. La nouvelle de la victoire de Lens a encore exalté l'orgueil d'Anne d'Autriche. Elle mène son fils à Notre-Dame pour le Te Deum, célébré devant 73 drapeaux ennemis déposés devant l'autel. Le régiment des gardes forme la haie sur le passage du cortège royal et a reçu l'ordre de demeurer sous les armes. Après avoir demandé à Dieu de bénir les projets qu'elle médite, la reine sort de la cathédrale et dit tout bas au lieutenant de ses gardes « Allez, et Dieu veuille vous assister ». L'entreprise, commandée par la régente, est l'exil de 3 magistrats, l'arrestation du conseil Broussel et de 2 présidents du Parlement. Anne d'Autriche est de retour au palais royal. Elle y apprend que Paris se soulève pour réclamer la délivrance du populaire Broussel. À pied, à travers la foule mugissante, un évêque avec son rocher et son camail se fraye un passage jusqu'à la résidence royale. C'est Paul de Gondi, le coadjuteur de Paris, le futur cardinal de Retz. Anne comprend qu'il désire la voir céder au mouvement insurrectionnel qu'elle le soupçonne d'avoir encouragé, et la colère de la souveraine lui fait oublier sa dignité. « Vous voudriez que je rendisse la liberté à Broussel? Je l'étranglerai plutôt avec ses 2 mains, et ceux qui... » Et ses mains royales menaçaient le coadjuteur. Il était temps que le cardinal ministre intervint. Chargé par Mazarin de négocier la paix moyennant la délivrance de Broussel, le coadjuteur a réussi à calmer l'émeute. Mais quand il revient au palais, pour annoncer à la régente le succès de sa mission et l'a pris de souscrire aux promesses de Mazarin, quand le maréchal de la Meilleureille, qui l'a accompagné, atteste le grand service que le coadjuteur a rendu à la reine, Anne d'Autriche n'a d'autre parole de reconnaissance que cette moqueuse recommandation. « Allez-vous reposer, monsieur, vous avez bien travaillé. » Ce fut une faute, une grande faute. Jusque-là, bien que Gondi n'eût guère d'autre vocation que celle du conspirateur, il était demeuré fidèle à la reine. Mais déjà blessé par la mordante ironie de la princesse, il apprend qu'un coup d'État se trame pour le lendemain et le menace des premiers. Anne d'Autriche a fait d'un de ses amis un puissant conspirateur. Elle peut le comprendre le lendemain, devant les 1200 barricades qui obstruent les rues de Paris. Au bruit de la mousqueterie, le Parlement encore, précédé de ses huissiers, se dirige vers le palais royal pour réclamer ceux de ses membres qui lui ont été enlevés. « Vive le Parlement! Vive Bruxelles !» crie le peuple, qui ouvre les barricades aux magistrats. Tout tremble à la cour, excepté la reine, qui, superbe de courroux, tient tête à l'orage et répond avec hauteur à la harangue du premier président. Elle cède enfin à la pression qu'exercent sur elle Mazarin, le chancelier Séguier et l'admirable président Mollé. Elle veut bien remettre Bruxelles en liberté si le Parlement consent à reprendre ses séances. Le Parlement quitte la reine pour se rendre au palais de justice, mais il est arrêté dans sa marche par les insurgés qui ne se contentent pas des promesses de la régente. Ce qu'ils veulent, c'est Bruxelles lui-même. Devant les furieuses menaces qui ont succédé à une ovation enthousiaste, des magistrats s'enfuient. Mollé ramène au palais royal ceux qui ne l'ont pas abandonné et qui forment le plus grand nombre. Il expose à la reine les dangers qui la menacent et qui planent jusque sur la tête de son fils. Le courage d'Anne d'Autriche croît avec le péril. Elle se refuse à abaisser devant l'insolence du peuple la majesté royale. Alors, dans le cercle de la reine, une parole s'éleva pour l'avertir des dangers que son opiniâtreté faisait courir au trône. Cette voix était celle d'une grande victime des révolutions, Henriette Marie, cette fille de Henri IV, qui allait bientôt être la veuve du roi d'Angleterre, Charles Ier. Elle dit à la reine de France que la révolution d'Angleterre avait ainsi commencé. Anne d'Autriche était mère. Elle comprit la leçon. « Que messieurs du Parlement voient donc ce qu'il y a à faire pour la sûreté de l'État, » dit-elle, avec une morne de résignation. Et elle ordonna la délivrance des magistrats prisonniers, le rappel de ceux qu'elle avait exilés. Malgré ses concessions, l'énergie de la princesse ne fléchissait pas. Pendant l'orageuse soirée du lendemain, alors que tous ceux qui l'entourent sont en proie à la terreur, elle reste calme, héroïque, et à sa fierté de race se joint un sentiment plus touchant. Mère et chrétienne, elle espère dans le Dieu qui bénit les petits-enfants. « Ne craignez point, dit-elle, Dieu n'abandonnera pas l'innocence du roi. Il faut se confier à lui. » Bientôt, à Saint-Germain, une humiliation suprême lui est imposée. Elle a cru, mais en vain, pouvoir s'appuyer sur l'épée de Condé. Alors, avec des larmes d'indignation, elle signe un acte qui consacre les décisions du Parlement et qu'elle appelle l'assassinat de la royauté. L'agitation, un moment calmée, se produit encore. Cette fois, la régente a obtenu l'appui de Condé. Elle s'est de nouveau rendue à Saint-Germain, et de là, elle envoie au Parlement l'ordre de se retirer à Montargis. Condé assiège Paris. Maintenant, le cardinal s'associe ouvertement à l'inflexible résistance de la reine. Anne d'Autriche sort victorieuse de l'épreuve, et quand, après la paix de Rueil, nous la voyons rentrer dans Paris, Mazarin, si impopulaire jusque-là, Mazarin est auprès d'elle et partage l'accueil sympathique qu'elle reçoit. C'était là un de ces brusques revirements dont le peuple de Paris a donné tant d'exemples. On en vit un nouveau témoignage le jour où la régente se rendit à Notre-Dame. Les harengères, qui avaient tant crié contre elle, se jetaient sur elle dans des transports d'amour et de repentir. Elles touchaient sa robe et furent près de l'arracher de son carrosse. Condé, l'ennemi de Mazarin, s'aliène la régente par sa hauteur. Elle se réconcilie avec le coadjuteur, et forte de son alliance avec la vieille fronde, elle fait arrêter Condé, son frère de Conti, le duc de Longueville, son beau-frère. Alors naît une nouvelle fronde, la révolte suscitée par les partisans des princes. Anne d'Autriche demeure intrépide. Elle accompagne le jeune roi et Mazarin à Bordeaux, qui a pris le parti des rebelles. Mais la paix que lui imposent ses nouveaux alliés froisse son orgueil. Elle aussi, employant une expression de Catherine de Médicis, elle dit qu'elle a été traitée en chambrière. Elle se sépare des anciens frondeurs. Le Parlement réclame la liberté des princes et l'obtient. Il réclame aussi l'exil de Mazarin. Et si la reine y consent, c'est que le cardinal veut lui-même s'éloigner. Mais elle s'apprête à quitter furtivement Paris avec le roi. La trahison déjoue ce projet. Le coadjuteur fait battre dans Paris le tambour d'alarme. Le peuple envahit le palais royal. Anne d'Autriche montre aux insurgés le jeune roi endormi dans son lit. À ce doux aspect, les hommes qui avaient envahi cette chambre avec des sentiments de fureur n'ont que des paroles de paix et de bénédiction. Le danger avait été grand. La reine-mère n'avait eu que le temps de faire recoucher le petit prince qui allait monter à cheval. Mazarin, exilé, garde sur la régente un pouvoir absolu. C'est toujours lui qui gouverne par elle. Condé prend les armes contre le gouvernement. La reine-mère entre vaillamment en campagne, marche sur Madame de Longueville, la chasse de Bourges et se dirige sur Poitiers. Mazarin rejoint Anne d'Autriche. Il est témoin de son attitude après la déroute de Blénod. La régente, pleine de sang-froid et d'énergie au milieu de la cour éperdue, n'interrompt pas même la toilette qu'elle avait commencée avant la désastreuse nouvelle. Pendant le combat du faubourg Saint-Antoine sous Paris, Anne d'Autriche est vraiment dans son rôle de femme. Tandis que le canon gronde, elle est agenouillée devant le Saint-Sacrement chez les carmélites de Saint-Denis. Elle ne quitte l'hôtel que pour recevoir les courriers qui lui apportent des nouvelles du combat. Et la reine de France a des larmes pour tous ceux qui sont tombés amis ou ennemis. Anne devait voir Mazarin s'éloigner une seconde fois. Mais cet exil n'était pas de longue durée et n'était destiné qu'à hâter la conclusion de la paix. Condé, le duc d'Orléans, son allié, demandèrent à renvoyer leurs députés au roi. Mais la régente refusa avec hauteur, s'étonnant qu'ils osassent prétendre quelque chose avant d'avoir posé les armes, renoncé à toute association criminelle et fait retirer les étrangers. Les étrangers dont le vainqueur de Rocroi avait accepté la criminelle alliance. En 1653, la Fronde était vaincue. L'autorité royale triomphait. En dépit de quelques imprudences, Anne d'Autriche avait, nous l'avons rappelé, joué le rôle le plus noble dans cette guerre civile. À la paix, elle rentre dans l'ombre. Son fils est majeur. Mazarin exerce hautement le pouvoir jusqu'à sa mort, événement après lequel Louis XIV gouverne par lui-même. La petite fille de Charles Quint avait fidèlement servi la politique anti-espagnole de Henri IV et de Richelieu. Elle avait achevé à l'intérieur du pays l'œuvre de ces deux grands génies, la victoire de la royauté sur la féodalité. Mais nous savons que ce fut Mazarin qui la dirigea dans l'exercice du pouvoir et que les qualités personnelles qu'elle déploya dans sa régence étaient non des qualités politiques, mais des qualités morales. Le courage qui brave le danger, la foi qui soutient dans le péril, l'amour maternel. Et cette tendresse dévouée, généreuse, qu'Anne d'Autriche n'apporta, il est vrai, que dans une seule amitié. Elle eut dans l'âme plus de hauteur que de véritable grandeur. Cette hauteur avait pour origine la fierté du sang, et préparait Anne d'Autriche à représenter dignement ce pouvoir absolu qui était encore nécessaire à la France pour dompter la féodalité. La reine-mère en légua la tradition à son fils, et quand Louis XIV disait « l'État c'est moi », il était bien réellement le fils d'Anne d'Autriche. Le jeune roi dut aussi à sa mère ses traditions de courtoisie chevaleresque qui contribuèrent à l'éclat de son règne. Ce n'est pas la moindre gloire d'Anne d'Autriche que d'avoir donné à la France un Louis XIV. L'exemple de cette princesse a démontré, une fois de plus, que la femme a besoin d'être elle-même dirigée lorsqu'elle tient les rênes du gouvernement. Les contemporaines d'Anne d'Autriche furent une vivante leçon de ce que devient la femme lorsque, dans les choses de la politique, elle est ou mal conseillée ou livrée à ses propres impressions. Nulle des conspiratrices de la cabale des importants ou des luttes de la Fronde n'est conduite par la raison d'État. L'amour, l'amitié, la haine, tels furent les mobiles qui entraînèrent ces femmes à fomenter la guerre civile, à trahir même leur pays pour l'étranger. Pour rendre cette trahison moins odieuse, elles n'avaient pas, comme certaines reines, l'excuse d'être elles-mêmes étrangères de naissance. Le plus pur sang de France coulait dans leurs veines. Entre toutes les femmes qui apparaissent dans les troubles de la régence, une seule attire notre sympathie. C'est cette noble et touchante princesse de Condé, qui ne se mêle courageusement à la lutte que pour servir la cause d'un cher prisonnier, l'époux qui l'a dédaigné. Quant aux autres femmes de la Fronde, malgré les talents qu'elles ont déployés, je ne peux voir en elles que des mésaventurières. Si le long repentir de la duchesse de Longueville nous fait oublier que, jetée dans la Fronde par son amour pour la Rochefoucauld, elle y entraîna jusqu'à un Condé, jusqu'à un Turenne, comment accorder une semblable indulgence à une duchesse de Chevreuse? Je me sépare ici à regret de l'illustre écrivain aux yeux duquel est apparue comme une héroïne et un grand politique la femme audacieuse qui, pour nous, n'est que la pire des intrigantes, celle qui met la politique au service de ses volages amours. Ce n'est ni l'amour ni l'intrigue politique qui jette Mademoiselle de Montpensier dans les luttes civiles, c'est le désir romanesque de jouer à l'héroïne. C'est ainsi que, s'introduisant seule par la brèche dans Orléans, elle conquiert la ville par cet acte de bravoure. C'est ainsi que, dans le combat du faubourg Saint-Antoine, elle tirera le canon de la Bastille. Une brillante étrangère, la princesse Palatine, Anne de Gonzague, nous apparaît dans ces guerres civiles, non à travers la fumée des combats, mais dans les mystérieux arcanes de la diplomatie. Pour délivrer Condé, c'est elle qui a réuni la nouvelle fronde à l'ancienne. Condé, libre, elle lui a donné des conseils de modération. C'est qu'alors Mazarin l'a regagnée. Depuis, elle demeure fidèle au cardinal et sert même par son intervention diplomatique les intérêts de la France. Mais en réunissant les deux frondes, elle avait contribué à fomenter les troubles, à amener cette nuit d'émeute pendant laquelle Anne d'Autriche montra au frondeur son fils endormi, et à la suite de laquelle Mathieu Mollet prononçait avec douleur cette parole « Monsieur le prince est en liberté et le roi notre maître, est prisonnier. Mais il me tarde de quitter les femmes de la fronde. Quelques-unes d'ailleurs ont déjà été peintes par la main d'un maître, et à ces aventurières ou à ces intrigantes qui, en semant la guerre civile, ont contribué aux misères du peuple, je vais opposer les femmes qui se sont généreusement dévouées à soulager ces mêmes misères. » Dès 1635, la guerre avec la maison d'Autriche avait fait connaître à la Lorraine les fléaux que la fronde ramena surtout pour la Champagne et la Picardie. Rien de plus effroyable que le tableau que les contemporains nous ont tracé de la misère qui désola ces trois provinces. On vit alors ce que c'était que ces guerres, soit civiles, soit étrangères, où, disait Fléchier, le soldat recueille ce que le laboureur avait semé. Et l'orateur sacré ajoutait « Souvenez-vous de ces années stériles, où, selon le langage du prophète, le ciel fut d'airain et la terre de fer. La dysenterie, la gale, la peste se joignent à la guerre et à la famine. Fuyant leurs demeures occupées par la soldatesque étrangère, les paysans meurent dans les bois ou sur les grands chemins, ou bien, rentrant dans leur village après le départ de l'ennemi, ils retrouvent leurs demeures pillées, brûlées, leurs champs dévastés. Abattus par la maladie, dépouillés jusqu'à la chemise, ils n'ont d'autre lit que la terre, d'autres matelas que de la paille pourrie, et n'osent, dans leur état de nudité, se soulever de cette horrible couche. Leur nourriture, c'est l'herbe, ce sont les racines des champs, c'est l'écorce des arbres, les lézards, la terre même, tout leur est bon. S'il leur reste quelques haillons, ils les lacèrent pour les avaler, et à défaut de ces étranges aliments, ils se rongent les bras et les mains et meurent dans ce désespoir. D'autres disputent aux loups les restes d'une hideuse curée, les débris pourris des chiens et des chevaux, ou bien eux-mêmes seront, fût-ce avant qu'ils n'expirent, la pâture des bêtes de proie. Vivants et morts gisent pêle-mêle. L'enfant qui a survécu est demeuré sur la mère qui est morte, bien certainement en lui donnant sa dernière bouchée de nourriture.